cacher les fleurs aux femmes. Il faut continuer à s'amuser, à s'amuser. Hier soir, tu m'as dit qu'à partir d'aujourd'hui, je devrais rester là, toujours avec toi, et toujours te combler de mes baisers. Déjà pressé que vienne l'été.